Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, la chronique quotidienne de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi a-t-on inventé le non-sens ? La question du sens est tellement importante pour les humains que l'absence de sens est un cauchemar pour nous. Nous avons besoin de rapporter nos existences à quelque chose d'autre qui leur donne une direction, qui les oriente. Et c'est pourquoi le sens de la vie a aussi cette vocation à être tout simplement une orientation dans le monde. Nous allons dans la direction de ce qui nous attire et nous fuyons ce qui nous repousse. Et peut-être que ce sont là les deux directions fondamentales de l'existence humaine. Mais cette question qui nous hante, cette question du sens, dans quelle direction aller, où nous orienter, cette question nous fait craindre l'absence totale de sens et ça peut nous conduire au désespoir. Mais à côté de l'absence de sens, qui nous désoriente, qui nous désarçonne, qui nous désespère, les humains ont inventé aussi quelque chose qui n'est pas l'absence de sens, qui est le non-sens. Le non-sens en tant que absurdité créée par les humains, créée dans la culture, créée par l'humour aussi, créée à travers le langage, qui fait se dérégler le langage pour mieux comprendre comment le langage nous oriente en effet. Et parmi ces créations de non-sens, il y en a même une, dans l'histoire du comique français de la fin du XXe siècle, qui joue avec cette idée d'orientation dans l'espace. Écoutons-la un instant. Mais la circulation, ça s'arrange pas du tout, hein. Du tout. J'étais dans ma voiture. J'arrive sur une place. Je prends le sens giratoire. Emporté par le mouvement, je fais un tour pour rien. Et oui, c'est le célèbre sketch de Raymond Devos sur ce rond-point sur lequel il entre avec sa voiture. Et quand il est sur le rond-point, on n'a pas eu le temps de tout entendre, eh ben il découvre que toutes les sorties sont en sens interdit. Il ne peut plus sortir de ce rond-point. C'est un sketch de l'absurde, un sketch qu'on pourrait dire, en parlant un peu librement, kafkaïen, un sketch où Raymond Devos joue avec toutes les notions du sens, et un sketch où le non-sens confine, non pas à l'absurde, mais au comique parfait, parce que le sens devient mécanique, justement, parce que le non-sens devient l'interdiction de sortie, le sens interdit, tous les sens sont interdits, et pourtant on rit avec cette création du non-sens, et pourquoi est-ce que l'on rit exactement, et même pourquoi est-ce qu'on en a besoin. Pourquoi est-ce que dans toutes les cultures, il y a cette forme de comique parfois radicale que Raymond Devos incarne et nous rions spontanément en l'écoutant, cette forme de jeu avec le sens, qui est peut-être un révélateur d'une des virtualités du sens. Dans son grand livre intitulé « Logique du sens », Gilles Deleuze a montré comment l'absurde n'est pas seulement, n'est pas prioritairement pour lui une question morale, mais d'abord un révélateur du mécanisme du langage. Un mécanisme aussi qui ne passe pas seulement par l'égarement, mais par la création. Peut-être que la création de sens, cette création de non-sens, est aussi une manière pour les humains de s'orienter dans la vie. Oui, il y a un sens très sérieux de la vie, c'est ce sens qui consiste à lutter contre la mort. Mais oui aussi, jouons avec les mots, car le sens est d'abord langage, le sens est d'abord culture, il est création d'un sens humain, parce que les humains sont des vivants qui créent aussi des œuvres pour s'orienter dans le monde. Et parmi ces œuvres, il y a le jeu avec l'absurde pour lutter contre les sens interdits. Écoutons le sketch de Raymond Devos sur les sens interdits. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page « Le pourquoi du comment ». Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Clara de Giovanni, Avril Poignant-Le Goff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui a réalisé cette semaine pour vous, Jean-Frédéric c'était aujourd'hui à la prise de son, Hélène Losseur à la lecture des textes. On se retrouve demain comme tous les vendredis. Le vendredi, c'est cours particulier. Demain, ce sera l'occasion de redécouvrir le cours particulier autour du jazz proposé par le musicien jazzman Raphaël Imbert. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook. Nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et on est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.